que t'étais au bled et que le médecin c'est gratuit. T'as beau appeler à l'aide, personne n'entendra tes cris. Je ne suis pas généraliste, un légiste renvoyé. Alors que j'étais un artiste, je ne peux plus travailler. T'inquiète pas, je connais les bails, je m'occupe de t'opérer. Mieux que de finir sur les rails, tu seras en biais détaché. Ne t'attendais pas à ça, tu voulais l'aide de la science. En venant sonner chez moi, t'as signé pour l'expérience. Tu te demandes peut-être pourquoi je t'ai ligoté dans de la glace. Chère patient, sache que le froid retient tes organes en place. Ton corps est tout engourdi, tu ne sentiras pas la lame du scalpel ou de la scie de ton docteur la crapale. Tu me diras la sensation de se faire ouvrir le ventre. Je te décrirai l'émotion de te couper en plein sang. N'espère pas revoir le jour, tes yeux vaudront une fortune. Au moins tu ne seras pas sourd, entends les loups sur la lune. Je dégusterai avec ton foie, j'ai une commande d'organes. J'honore toujours un contrat, en revendant d'années gras. Et pour ce qui ne me sert pas, je pourrai nourrir les porcs. Pas de doute, rassure-toi, je fais disparaître ton corps. C'est ta mâchoire déboîtée, il ne faut pas que tu me blâmes. T'es donc peut-être en colis pour faire plaisir à ma femme. Nous avons bien discuté, ce sera sans anesthésie. Il est temps de commencer la plus belle des autopsies. Les collègues perdront moins de temps, tu seras déjà opéré. C'est vrai que je m'inspire des plus grands pour ma façon découpée. Fallait pas jouer au dur, ta chair est quand même fragile. Tu voulais de la mettre pure, génération de débiles. Avec la lame du scalpel, je mets à jour ton organisme. C'est tes boyaux à la pelle, je ne connais pas l'hygiénisme. Si t'as peur des maladies, je te réexplique mon grand. Si tu veux sortir d'ici, ce sera les deux pieds devant. Quand on commence à noircir, je vois tes orbites qui s'affolent. Rassure-toi, il y aura pire avec tes graisses et l'alcool. Pourquoi tu veux plus parler? C'est vrai, je t'ai coupé la langue. Mon autre personnalité s'occupe du reste de ton gang. Maintenant, tu sais que c'est ma ville et qu'il fallait me respecter. Tu croyais qu'on ferait un deal et que je donnerais de quoi droguer? Toi et tous tes petits frangins méritent de se faire massacrer. Il y en a déjà plein qui nourrissent mon potager. Je suis le docteur du profane et le démon de la banlieue. En école, j'ai le bonnet d'âne. Dans le rap game, je suis crasseux. Mes autopsies en musique pour un travail plus dégueu. T'es dans un état critique quand j'écoute du sale froid. Ton avenir est bien crade, mais tu le rêvais bling bling. Que ce serait Breaking Bad et ses mécanismes missing. Je t'aurais bien bouffé le cœur si seulement t'en avais un. Et sache avant que tu meurs, ça nous fait un point commun. On peut dire que t'es en charpie, toi qui voulais de mon aide. Mais je ne suis pas Charlie, c'est mauvais pour ma secrète. Tu voulais être le plus beau et devenir aristocrate. Tu finis dans le caniveau, à défaut d'une petite boîte.